Bonjour à tous, vous êtes sur Radio Antigone, bienvenue, j'ai un petit peu de retard, je m'excuse, il y a eu un petit problème avec le logiciel, il est 18h33. Radio Antigone. Radio Antigone, la radio à vif. Alors, on me dit que je ne suis pas à l'antenne, mais normalement, je suis officiellement à l'antenne. Je me vois à l'antenne. Est-ce que... Oui, double son, c'est normal si vous coupez pas le bot du son. C'est bon, c'est juste à décaler. Bah voilà, donc en fait, on est bien à l'antenne. C'est bien ce que je me disais. Bienvenue à tous, merci d'être dans votre case du soir. Votre case du soir jusqu'à 19h30 avec toute l'équipe. Voilà. Tout simplement, votre programme habituel, la case d'avant qui arrive, dans quelques minutes, la case d'avant c'est à 18h42, on aura les actus du numérique et bien sûr des points sur l'actualité toutes les 30 minutes, dans 3 minutes, ça sera le programme TV, c'est une nouvelle rubrique et ça arrive dans quelques instants, on dit bonjour à l'équipe avant, bonjour. Dans 3 minutes, ça sera le Allô programme TV. Allô, oui, on est Matt. Dans quelques instants, on dit bonjour à l'équipe. Est-ce que tu m'entends? Bonjour. Oui, oui. Vous avez relancé le bot avec... On fait quoi, là? On est à l'antenne ou pas? Vous êtes à l'antenne. Je vous propose de dire bonjour. En tout cas, c'est très drôle. Donc, si on est à l'antenne, vous nous êtes pas trompés. Vous écoutez bien la musique qui est passée sur France Inter, qui était le générique de Lumière dans la nuit. La 18e émission d'Edouard Vert, que vous pouvez réécouter évidemment en podcast sur l'application France Inter. Je ne sais pas ce qui se passe, en tout cas c'est très rigolo. Enfin rigolo, non, mais en tout cas on est là. Moi je m'entends en double, c'est horrible aussi. Je m'entends. Sinon je ça m'entends va en cas décalé de 20 secondes. Mais ce n'est rien, on va essayer de... On est déjà en retard, oh là là, que c'est catastrophique. Bon, ce n'est rien, parce qu'il y a de la très bonne musique pour bien commencer. Sachez que dans les prochaines minutes, il y aura Franz Ferdinand, Proto Martyr, mais tout de suite, c'est Nelly Furtado que vous entendez en fond, c'est Stay It Right sur Radio Antigone. Bienvenue, 18h36 dans la case du soir. Vous êtes sur Radio Antigone et vous avez bien raison, c'était Nelly Furtado. Bienvenue sur Radio Antigone. Le programme télé. Le programme TV, c'est votre nouvelle rubrique, c'est même la case TV. Tous les jours à partir de ce jeudi, chaque membre de l'équipe vous donne un conseil TV. Un programme que vous pourrez regarder le soir même. Je vous propose de commencer avec Antoine. Bonsoir Antoine. Membre de l'équipe vous donne un conseil TV. Oui, j'entends bien. Je crois qu'on regarder le soir même. Je vous propose de commencer avec Antoine. Bonsoir Antoine. Membre de l'équipe vous donne un conseil TV. Antoine est parti. Je crois qu'on Antoine est parti. Oui, ben je le comprends. Matt, est-ce que tu veux voir? Oui. Alors, excusez-moi, je tousse un peu. Donc, alors, moi, allô. Est-ce que tu veux Antoine? On t'entend. Ah. Alors, bon, donc, moi je disais, excusez-moi, proposition télé. Alors, c'est que, à la fois télé, à la fois, allô, et à la fois service de streaming, plateforme de streaming. Parce qu'en fait, ce que je vous conseille tout simplement, c'est le Bureau des légendes, la série de à la fois télé, à la fois Mathieu Kassovitz, et à la fois autre. Et en fait, dans cette série streaming, il y a 5 saisons. La 5e est en cours de diffusion sur la série. Alors, je savais que c'est une fois par semaine, c'est Mathieu soir. C'est à 21h, c'est le soir. En fait, dans sur Canal Plus, on m'entend. La 5e est en cours de diffusion. T'entends. Ah, on. Je savais que c'est une fois par semaine. Désolé, excusez-nous, il y a des petits problèmes de son. Et donc, le Bureau des légendes, c'est une série sur la DGS, on m'entend. La direction générale. T'entends. Ah, on. Je savais que désolé, excusez-nous. Bon, bref, je sais pas. En gros, c'est les agences secrètes. Le Bureau des légendes, c'est au sein de la DGS. Le bureau qui sont en fait des agents qui sont en infiltration, qui sont en mission partout dans le monde. En gros, c'est les agents secrets. Et donc, d'où le nom, parce que les légendes, c'est le nom des agents secrets. Et par exemple, leur faux nom, justement, leur fausse identité, ça, c'est une légende. Donc, le bureau des légendes, et donc, d'où le nom, parce que les légendes, c'est le nom des agents secrets. Et sur Canal Plus, leur faux nom direct, leur fausse identité, à 21h. Et sinon, sur leur site, leur application MyCanal, vous regardez toutes les saisons, il y en a 5 et je vous les conseille, elles sont incroyables. Je peux pas vous en dire plus sur le programme, parce que si je vous en dis plus, si je vous en dis plus, en fait, je vous spoil la série. C'est le bureau des légendes, donc ce que tu nous conseilles. Mais en tout cas, elle est super intéressante et c'est pour ça que je vous la conseille. C'est pas très télé, oui, désolé. Très bien. Alors, je m'excuse auprès de Thaïr. Petit problème de son que nous avons à l'antenne. Vous devez tout entendre en double, du coup en triple, etc., etc., avec un petit retard d'une dizaine de secondes entre chaque doublon. Je vous propose qu'on revienne après un petit tour musical. On va essayer de régler rapidement le problème. Là, quand je coupe, donc il y en a un, en fait, il y a un de nos compagnons, de nos co-animateurs, qui doit renvoyer un son, le son de la diffusion, je ne sais pas comment. Je vais essayer de me déconnecter et de me reconnecter. Et nous allons essayer de passer au journal du passé, qui est le journal d'avant, la case d'avant, qui est me déconnecter et totalement prête, qui diffuse. Est-ce qu'on pourrait me virer en quelque sorte le bot Lucie Chaumette, s'il vous plaît. Journal d'avant, la case d'avant, en l'appelant dans un autre salon. Parce que là, ça, je sens que c'est lui qui fait tout. Mais est-ce qu'on pourrait me virer en quelque sorte le bot Matt, le bot Lucie Chaumette. Oui. Ça te dérangerait de couper ton micro en l'appelant dans un autre salon. Après, de couper complètement Discord. Est-ce qu'on pourrait me virer en quelque sorte le bot Matt? Non, c'est pas toi. Eh ben, je ne sais pas. Oui. Donc, on va écouter un peu de musique et puis nous revenons dans quelques instants avec la case d'avant. Et nous allons écouter des titres du journaux et nous allons en débattre ensemble. Et bien, titre de 2001 aujourd'hui. Antoine veut reprendre avec le programme TV. Eh bien, si tu veux, avec plaisir. Donc, le programme TV d'Antoine, ainsi que la case d'avant. C'est dans votre émission La Case du Soir, La Case du Soir, avec un très très gros problème technique aujourd'hui. Je m'en excuse. Et puis voilà, un peu de musique. Du coup, la musique n'est même pas prête, c'est catastrophique. C'est Proto Martyr, que nous allons écouter avec Co Where the Stars. C'est sur Radio Antigone, la radio à vivre, dans votre Case du Soir avec toute l'équipe. Bonne soirée à tous. Our world is defined by peut-être. Peut-être. Bien sûr, faut que je me prenne une publicité. La musique qui n'est pas prête, c'est super. La case du soir sur Radio Antigone. By innovations that lead us to... Sur Radio Antigone, c'est votre case du soir. Merci d'être avec nous. C'était Proto Martyr à l'instant avec Coward the Star sur la radio Avif. Le programme télé. Moi, je ne l'entends pas, du coup, c'est bien. Antigone, c'est votre case du... Avec un programme tout décalé, mais ce n'est rien. C'est le programme TV de l'équipe qui continue. Nous conseillons, chaque membre de l'équipe vous conseille un programme à regarder ce soir sur une des chaînes de la télévision gratuite. Antoine, tu voulais participer. Malheureusement, il y a encore le double. Je ne sais pas pourquoi. Ah, moi je ne l'ai pas le double, donc ça tombe bien. Parce que j'avais coupé votre son en fait. C'est pour ça que je dis qu'il y a un Discord. Mais je n'ai toujours pas le double, mais alors en tout cas, je vais vous proposer quelque chose qu'il ne faut pas regarder. Regardez ce que vous voulez, sauf regarder Énergie 12, c'est Héritage. C'est avec Jean-Marc Morandini, il ne faut pas le regarder. Déjà, pourquoi? Parce que c'est Jean-Marc Morandini. Par contre, vous pouvez regarder la chaîne L'équipe, parce qu'il y a les championnats de France 2019 de la doublette mix en pétanque. Si vous voulez vous ouvrir les veines en regardant de la pétanque, c'est vachement bien. Sinon, sur RMC Découverte, il y a un magazine qui est sympa qui s'appelle Vintage Mécanique. Ce soir, ils partent en road trip au Qatar. En gros, c'est un truc français où ils réparent des voitures. C'est des pros qui réparent des voitures mythiques et c'est plutôt intéressant. Sinon, sur la une, il y a la 7ème compagnie. Alors, ça vaut ce que ça vaut. C'est un film qui est rigolo, voilà, qui est sympa. Et à 21h, il y a la Queen. Mais oui, allez. Oh, bah ça y est, je te réentends, Matt, c'est formidable. Et sur la 2, il y a France 2, il y a la Queen et Lise Lucet en direct pour une édition spéciale d'Envoyé spécial, avoir un complément d'enquête sur l'amour et si c'était pire à distance avec Jacques Cardoz, voilà, pour mon programme télé. Ce soir, il est 18h50 sur Radio Antigone. Mais oui, eh bien, merci. Eh bien, nous avons donc 10 minutes. On va faire sauter la musique qui est juste avant le journal. On la diffusera après. Nous avons 10 minutes pour la case d'avant, je crois. On est d'accord? Allons-y. Allez. D'accord. Peut-être. Bien sûr. Oui, bravo. Mais oui, bravo, on va y arriver. Il arrive. J'avais bien sûr eu la bonne idée de couper le son. Voilà, c'est parti. Radio Antigone. Test. La case d'avant. Test. Comme tous les jours, nous écoutons les titres d'un journal d'il y a quelques années. Nous en parlons ensuite afin de voir ce qui a changé depuis et en débattre tous ensemble. Si vous souhaitez réagir, n'hésitez pas via Twitter et le hashtag LCDC. LCDS, pardon. Aujourd'hui, nous revenons en 2001, donc c'est les titres du journal de 20h de France 2 du 9 avril 2001. Voilà, voilà. Voilà. La virgule, et c'est bon. Ah, oui. La virgule. Mais oui, la virgule, je suis complètement décalé, ça m'a encore totalement perturbé, c'est horrible. C'est pas grave. Où est mon prêt à diffuser? Il est là. Voici tout de suite donc le journal. C'était avec Claude Ferrillon, le journal du 9 avril 2001. S'il vous plaît. Peut-être. Peut-être. Là, en fait, voilà. Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce lundi 9 avril. Le tribunal de Paris ordonne la suspension du plan de fermeture des 18 magasins Marks & Spencer français pour non-respect de la procédure. Un trafic ferroviaire toujours perturbé. La grève à la SNCF n'est pas vraiment finie et certaines lignes seront affectées par le conflit demain encore. Des inondations en Baie-de-Somme, déplacement du Premier ministre à Abbeville où les sinistrés n'y ont pas caché leur colère. La Yougoslavie en mauvais état économique, le président yougoslave Vojislav Kostunica nous a accordé un entretien exclusif au cours duquel il évoque Milosevic, les responsabilités serbes dans les conflits et le besoin d'aide internationale pour son pays. Tel qu'en lui-même, Bernard Tapie est arrivé à Marseille pour prendre les rênes de l'OM et régler prestement le compte de l'entraîneur en place. Des concerts pour et avec des enfants, c'était à la Cité de la Musique à Paris avec l'orchestre de la capitale. La classe. Pardon, excusez-moi, c'était donc les titres de l'actualité du 9 avril 2001. Je vous propose de commencer le débat avec le premier titre évoqué, celui des magasins Marks & Spencer. Alors, un petit rappel des faits, en 2001, alors que la chaîne de magasins de vêtements est très populaire en France, la direction annonce la fermeture de tous ses magasins dans l'Hexagone. Face à la colère des employés et des syndicats, le tribunal de grande instance de Paris avait ordonné la réouverture des magasins, estimant que la procédure de fermeture n'avait pas été respectée. Ça n'a pas empêché l'entreprise de fermer ses magasins. L'enseigne n'est finalement revenue en France qu'en 2011 avec une première boutique sur les Champs-Élysées. Je me tourne tout d'abord vers Antoine et Morgane qui étaient nés à cette époque. Vous en souvenez-vous? Ouais. Alors, pour ma part, moi... Pardon, vas-y. Non, à toi l'honneur. D'accord. Pour moi, honnêtement, Marks & Spencer, ça m'évoque rien du tout. Je ne sais pas si c'est parce que c'est une chaîne qui était plus présente dans les grandes villes ou quoi que ce soit. Moi, ayant grandi et ayant toujours vécu, en fait, dans le fin fond de la Saint-Ange, je n'ai jamais connu cette chaîne de magasins. D'accord. Et Antoine, toi, tu t'en souviens? Oui, je m'en souviens vaguement. Enfin, je m'en souviens surtout par rapport aux journaux, parce que j'étais pas à Paris à cette époque-là. Et je me rappelle des images, c'était, si je me trompe pas, sur e-télévision, encore à l'époque. Oui, je me rappelle de Marie Drucker qui faisait des lancements sur ça. Donc, c'est dire si ça remonte il y a longtemps quand même. Et d'un magasin vert, en particulier, dans Châtelet-Léal, qui était ouvert alors qu'il n'y avait plus rien dedans. Il était vide, il n'y avait plus aucune marchandise. Vu que ça avait été cassé par le tribunal, le magasin était quand même là, le salarié devait quand même être là. C'est surréaliste, je me rappelle ces images de ce magasin en plein lieu de Châtelet, du Châtelet des années 2000. C'était pas le Châtelet qu'on a maintenant en 2020, évidemment, c'est dans le petit faux plus ghetto. Et c'était vraiment bizarre. Enfin, et comme tu l'as rappelé, Enzo, ce qui est très drôle, c'est que la chaîne est revenue en 2011. Comme quoi, faire et refaire, c'est un petit peu la stratégie du chemin de fer. Et le pire, c'est qu'en 2016, il y a encore eu des problèmes et ils ont voulu fermer d'autres magasins, je crois, qui ont été fermés. Ah ouais, non, mais c'est un peu une histoire sans fin. Marc et Spencer en France, c'est... Justement, je vous propose de parler en général. D'après vous, est-ce qu'il est possible que d'autres entreprises de ce genre, des entreprises qui ont des magasins en France, des magasins qui sont très populaires, décident de fermer leurs magasins? Est-ce que c'est possible, envisageable en 2020? Il y a eu. Oui, mais je vais y aller. Tu dis, est-ce que c'est possible que des magasins ferment? Matt. J'ai écouté le journal de France 3, c'était il y a quelques jours déjà, le 12-13. Et il parlait de l'enseigne de chaussures André, que vous connaissez peut-être, qui à cause du coronavirus, bah, plus personne n'achète de chaussures. Et donc, du coup, qu'ils allaient peut-être faire faillite. Ils avaient eu un plan de relance ou quelque chose comme ça il n'y a pas très longtemps. C'est difficile. Sachant qu'en plus, André, pour revenir sur ce que tu viens de dire, c'est le groupe Vivarte qui avait fait une énorme restructuration, qui avait fait un tollé général, mais notamment la fermeture de moult magasins là, et pour en revenir très rapidement aux fermetures de magasins qu'il y a eu dans le passé, vous vous rappelez pas du tout, parce que vous étiez pas né, à vrai dire, moi non plus. Félix Potin, mon siège était à Paris, ça a fermé, parce que liquidation judiciaire, parce que le patron m'a bouillé à balle. Il y a eu Promodès avec les magasins Champion et Continent, pardon, parce que j'ai mon retour, c'est terrible. Il y a fermé qui a été racheté par Carrefour, mais qui ont liquidé des trucs et tout. Tours, il y a eu le siège des Docks de France, à qui appartenaient Attac et Mammouth, qui avaient été liquidés aussi avec des fermetures catastrophiques et tout. Et encore plus récemment, il y a eu Dia, qui avait été, à qui appartenait Carrefour. Ils ont vendu Dia, ils l'ont racheté, ils ont fermé plein de magasins et tout. Et, notamment à Bourges, où les salariés ont porté plainte contre le groupe Carrefour. Parce que là, techniquement, les salariés sont toujours encore à l'heure actuelle en 2020 salariés de groupe Carrefour, mais ils ne sont pas payés, ce qui est le plus de magasins, ils ne peuvent toujours pas chercher de boulot. C'est terrible. Mais après aussi, comme Marc qui s'est lancé en France un peu plus dans le type Marc & Spencer's, il y a Burger King qui, j'ai entendu plusieurs anecdotes de mes parents qui ont dit qu'ils connaissaient Burger King qui s'est lancé, puis en fait Burger King a raté, qui là est revenu il y a quelques années. Et ça a l'air de plutôt bien marcher, vu que par exemple à Paris, je sais que entre le Panthéon et le jardin du Luxembourg, il y avait un McDo et juste en face un Quick, et c'est devenu un McDo et juste en face un Burger King. Et puis c'est pareil aussi chez moi, avec McDo et juste en face Burger King qui s'est implanté vraiment. Ils ont eu une stratégie très offensive. Je crois que tu as raison de parler de stratégie ici, parce que à mon avis, la première incursion de Burger King en France, il y a eu une erreur de stratégie derrière, dans le sens où ils se sont implantés dans les années 80, à une époque où McDonald's et Quick, justement, à l'époque, s'implantaient très largement en France, et Burger King, à l'époque, n'a pas ouvert autant de restaurants. Ça a certainement été une erreur stratégique, dans le sens où il n'y a pas eu autant de rentabilité, il n'y a pas eu autant de connaissances, de popularité de la marque auprès des consommateurs. Je pense que ça les a un petit peu, ça a été la cause de la fin de l'aventure dans les années 80. Récemment, dans les années 2010, il y a eu effectivement le fait que Quick puisse se séparer d'une très grande partie de ses magasins, enfin de ses restaurants. Et Burger King, qui avait déjà recommencé à se planter ici et là, en a profité d'un véritable réseau déroulé par la suite derrière. Burger King, c'est à la fois un record gagnant pour moi et stratégiquement, en termes de stratégie d'entreprise, le fait d'apprendre de ses erreurs et de se poser en véritable concurrent de McDonald's. Merci beaucoup. C'est ce qu'on appelle une analyse de qualité. Mais oui, là c'était un beau débat. Alors, il est déjà 19h. Est-ce qu'on a le temps de parler rapidement des autres sujets ou ça va être un peu juste, je pense. Il est déjà plus de 19h. Vas-y. On y va ou... Oh, peut-être un autre sujet, genre la grève SNCF. Alors oui, bah ça, je me suis dit qu'on allait vite le passer. Hein. On est d'accord que c'est habituel. On va pas non plus reparler d'une énième guerre, grève. On en a déjà parlé ici. Une grève, si elle est habituelle, c'est un problème. Et s'il y a un problème, ça vient pas forcément des salariés, mais plutôt du patron. C'est le principe de la grève. C'est ce que j'ai suivant. Voilà. Il a presque... Alors je disais bien sûr qu'on en a déjà parlé, c'est surtout pour ça que je pensais passer vite dessus. Le dernier sujet, le sujet culturel, on nous parle d'ouverture de concerts, de musique classique à des jeunes. Pour vous, est-ce que la musique classique peut revenir auprès des jeunes, je parle des 10-25 ans? Ça risque d'être très compliqué. Ça risque d'être très compliqué parce que... Quand on voit, tiens, bah juste pour la blague, bougez pas si vous avez 30 secondes, continuez à parler. Là, vas-y, je vais vas-y. Vous sortir le top 100 France quotidien de Apple. Donc il y a Nino, je sais pas qui c'est. Nino, c'est un rappeur. Uzi, je sais pas qui c'est. Ça doit être un rappeur aussi. Oh là là. Naps, Nino, The Weeknd. Imen S, Ati, Carole G, Nicki Minaj, Drake. Ça, c'est le 10. Oui, donc c'est principalement du rap et de la... Et par contre, c'est intéressant ça, de voir que The Weeknd, je suppose que c'est avec le titre Blinding Light, qui est dans le style années 80, c'est intéressant de voir qu'il est dans les premiers. Oui, tout à fait. Il y a eu, en fait, il y a eu avec les rappeurs depuis quelques temps déjà, il y a eu un peu une période... qui continue encore un peu rétro. Donc par exemple avec The Weeknd que vous entendez juste ici, mais aussi PNL qui avait fait une musique. Alors je sais plus exactement c'était quoi, mais c'était pareil dans les années 80, dans le style 90. Il y a eu M. Pokora aussi qui a fait ça. Et bref, j'ai l'impression qu'en fait les rappeurs amènent un peu cette culture avec eux et puis revenir sur la musique classique. En fait, les rappeurs découvrent une vérité que la musique classique ne décrit plus, et puis aussi la musique classique, la musique baroque, là où ça se représente, c'est dans les opéras, dans les grandes salles. Et donc, par exemple, à Paris, les opéras, ils sont pas en banlieue, les opéras, ils sont dans le centre. Il n'y a pas beaucoup de jeunes, et puis aussi, c'est cher. Je suis en train de me dire aussi que, alors certes, peut-être que Enfin, c'est même certain que aujourd'hui la musique classique elle a une mauvaise image auprès du une mauvaise image dans le sens où c'est pas forcément toujours mérité, mais ça c'est mon avis personnel. Le goût derrière évolue, la popularité du rap, du hip hop, du R&B, je pense en est un témoin. Il y a une question d'industrie derrière, mais je crois aussi qu'il y a aussi le mode de consommation de la musique qui a changé, dans le sens où vous dites bien les morceaux de musique s'achètent à la pièce, enfin s'achètent à l'unité, je veux dire, pardon, en primo, se consomme, on va dire, par 3-4 minutes, c'était le cas, on va dire, depuis plusieurs décennies. Notamment la musique pop, mais peut-être des chansonniers, reste en tout cas que ces habitudes sont maintenant ancrées, ces habitudes de consommation. Je pense qu'elles sont moins adaptées à des morceaux de musique certes grandioses, mais qui peuvent dépasser les 10 minutes, les 15 minutes. Aujourd'hui, je pense qu'une des portes d'entrée de la musique classique dans l'univers des auditoires les plus jeunes, ça peut être par la publicité ou même par la reprise de certains airs célèbres, justement par des artistes de pop ou R&B. Le samplage de musique classique par des rappeurs, ça c'est beaucoup entendu, et parfois même ça peut être et qui sait, peut-être pourquoi pas ouvrir des perspectives d'oreilles. Et puis si je peux juste ajouter un truc avant le flash, c'est que Le Monde a fait une série de vidéos là-dessus. Ça s'appelle Rap Business, c'est 4 vidéos d'une dizaine de minutes qui expliquent un peu comment le rap a augmenté grâce au streaming, grâce à la vidéo, tout ça. Bref, donc c'est Rap Business sur la chaîne YouTube du Monde, je vous recommande. Voilà. On va y aller pour les infos ? Oui, bah on va faire un petit top horaire. Donc nous sommes un peu en retard, désolé, les problèmes techniques du début nous ont un petit peu mis en retard. Merci beaucoup à tous pour ce débat de grande qualité. Rendez-vous demain pour une nouvelle case d'avant, bien sûr, avec un journal du 10 avril d'une autre date. Pour l'instant, il est 19h05. Radio Antigone. Radio Antigone. La radio à vif. Le point sur l'actualité très rapide, c'est avec Antoine. Bonsoir Antoine. Et bonsoir à tous. Le conseil d'administration de Renault a décidé la dividende prévue au titre de 2019. Accompagné d'une baisse de 25% de la rémunération des dirigeants du groupe pour l'ensemble du premier trimestre, baisse qui pourrait être reconduite si la crise se prolonge. Rappelons par ailleurs que le groupe automobile, ancienne régie, en difficulté, fait partie des sociétés que souhaite sauver Bruno Le Maire. Et pendant ce temps, en Ardèche, le préfet a interdit les sorties à plusieurs pour le week-end de Pâques. Toutes les sorties devront se faire tout seul ou avec des enfants de moins de 16 ans. Le reste de l'actualité, Emmanuel Macron qui s'est rendu à l'Institut hospitalo-universitaire en maladies infectieuses à Marseille pour rencontrer Soleil, le professeur Raoult. La capsule Soyouz s'est amarrée avec succès à la station spatiale internationale. La France relève son plan d'urgence à 100 milliards d'euros et prévoit un déficit abyssal de 6,7%, une dette tout aussi abyssale à 112% du PIB en 2020. Enfin, le procès de Jonathan Daval, qui a avoué le meurtre de son épouse Alexia Daval en 2007, a été reporté de novembre à mars en raison de l'épidémie de Covid-19. Enfin, le temps très rapidement de mettre encore beau et chaud jusqu'à 25 et 27 à Paris. Tout de suite, tout de suite. La fin et la suite de la case du soir. Très belle soirée à tous. Très bien, merci beaucoup Antoine. On n'a même pas pu mettre le jingle météo, mais ce n'est rien. Merci beaucoup Antoine. Radio Antigone. De 17h30 à 19h30, c'est la case du soir. Voilà, nous sommes toujours ensemble, il est 19h08, merci d'être avec nous dans la case du soir, on va très vite passer. Le quiz arrive dans quelques minutes, nous ferons également un point sur les actus du numérique qui arrivent dans quelques minutes, pardon. Et attention. Oui. Petite nouveauté, parce qu'on on a oublié de la faire l'autre soir, mais maintenant tous les soirs, nouvelle tradition, une chanson relou qui vous reste en tête. Mais oui, et je vous laisse la surprise du titre et Matt, ta chronique tout à l'heure dans quelques minutes. Oui, alors chronique, ça va être très rapide, ça va être très bref. J'ai juste vous parler un peu des audiences médiamétrie, les audiences de la radio qui sont parues de janvier à mars, qui sont parues ce matin. Très bien, merci Matt. Allez, on passe tout de suite aux actus du numérique. Radio Antigone. Les actus du numérique. Alors je sais, elles ont 5 minutes de retard, mais c'est pas comme si je m'étais embêté à écrire un gros pavé, donc je vais me permettre de les mettre, j'ai une page complète à faire. Je voulais que l'on se focalise aujourd'hui sur Sony qui a dévoilé la manette de sa prochaine console. Alors c'est une manette blanche, pour une fois fini effectivement la couleur noire pour la manette de base, c'est aujourd'hui une manette reprenant des arrondis très marqués qui fait son apparition. Que les fans du sombre se rassurent, la version noire est toujours disponible, mais la version claire permet d'apprécier encore plus son design. Mais alors, que nous permettra cette manette? Mais eh bien alors, elle aura bien sûr toutes les fonctionnalités des manettes précédentes de la gamme, c'est-à-dire les deux sticks analogiques symétriques, les quatre emblématiques boutons qui sont carré, croix, rond et triangle, les flèches directionnelles qui sont à l'opposé de ces boutons, le bouton PlayStation qui sera un logo cliquable cette fois-ci, les indispensables boutons et gâchettes arrière, la zone tactile qu'avait la manette de la PS4 et une LED. Il faut savoir que Sony avait, pour la manette de la PlayStation 5, anticipé en proposant un bouton share permettant une potentielle diffusion sur les plateformes comme Twitch, qui à l'époque n'était pas aussi démocratisé que maintenant. Ce bouton sera bien sûr présent, mais devrait s'appeler Create. Bien sûr, l'éditeur ne va pas se contenter de proposer une manette proposant exactement les mêmes caractéristiques que la précédente. La DualSense, c'est son nom, intégrera un nouveau moteur de vibration, mais aussi, et c'est encore mieux pour se sentir encore plus dans le jeu, des gâchettes qui seront à présent adaptatives et qui permettront par exemple d'adapter la résistance en fonction de l'objet utilisé dans un jeu. La résistance ressentie en bandant un arc sera différente quand il rend au pistolet. Ce nouveau contrôleur de jeu sera également muni d'un micro et d'un bouton mute pour la communication en jeu et pour le stream. Le micro, justement, parlons-en. Selon certains brevets déposés, le géant japonais n'a pas inclus un ni deux, mais trois micros qui, couplés à une technologie, permettraient de situer le joueur et d'isoler sa voix. Dans les faits, le micro parviendra à isoler les bruits périphériques afin que le chat vocal se fasse d'une manière la plus agréable possible. Enfin, selon d'autres brevets, le pavé tactile permettra peut-être d'afficher des images permettant de guider le joueur qui pourrait tracer des choses dessus. Dans le même style, certains autres brevets feraient état d'un écran tactile que l'on pourrait mettre à la place de ce même pavé. Alors, ces deux derniers points ne sont que des suppositions, là, le triple micro et le pavé tactile écran. Il faut bien sûr penser que, être sûr, avoir ça dans la tête, que un brevet ne veut pas dire caractéristique technique de la prochaine manette de Sony. Donc faites bien attention, nous verrons cela dans les semaines ou mois à venir. En tout cas, Microsoft, le grand concurrent avec sa Xbox Scarlett, successeur de la Xbox One, qui devrait sortir quasiment simultanément que la PS5, peut avoir du souci à se faire. Voilà. C'était les actus du numérique sur Radio Antigone. Radio Antigone. Les actus du numérique. Nous sommes toujours là sur Radio Antigone avec toute l'équipe. L'équipe qui m'a proposé de tout de suite passer à la chronique de Matt, c'est ça ? C'est ça. Très bien, la chronique de Matt. Et aujourd'hui, Matt, tu nous parles donc des audiences radio qui sont sorties ce matin. Oui, alors, bon, je vais pas appeler ça vraiment une chronique, vu que c'est fait un peu à la va-vite. Mais bon, les audiences radio sont tombées ce matin pour la période de janvier à mars 2020. C'est publié par Médiamétrie, c'est fait sur un panel de 126 000 personnes appelées au hasard, et on leur demande qu'est-ce qu'ils ont écouté récemment, la radio, tout ça. Et ça a confirmé pas mal de choses, ces audiences. Tout d'abord, France Inter, qui est sur la première place du podium en hausse, avec 6 944 000 auditeurs et une part de marché de 11,7%, non, une part d'audience, une part d'audimètre. Je sais plus comment ça s'appelle, bref, une PDA de 11,7%. Quant à RTL, elle est toujours deuxième avec 6 563 000 auditeurs et à 11,3% de PDA. C'est donc France Inter qui est bien première partout, contrairement aux vagues précédentes où RTL jouait sur les mots, jouait sur les chiffres pour annoncer qu'elle était elle aussi première radio de France. Cette fois-ci, elle ne peut plus vu qu'elle est deuxième. Et en troisième position, on trouve Énergie qui descend pas mal avec 4 929 000 auditeurs. Juste après France Info qui fait une chute de 600 000 auditeurs en moins un an et elle retombe à 4 056 000 auditeurs. Et juste après, la bonne nouvelle, c'est pour Skyrock qui fait 3 832 000 auditeur, c'est vraiment pas mal, elle est en train de monter. Puis après, il y a bien sûr RMC, France Bleu et les autres radios musicales, et avec Europe 1 qui fait encore une fois un triste score pour la radio. Oui. Elle est très très bas, elle perd des auditeurs malgré le fait que ses programmes se stabilisent. Mais c'est ça le problème pour Europe 1, c'est que les différents changements de patrons, changements d'émissions, d'animateurs tous les ans ont plombé les audiences qui étaient déjà en chute libre. Cette fois-ci, ça va peut-être se rattraper sur l'année prochaine s'ils arrivent à garder de la stabilité. Bref, c'est tout pour les audiences radio. Je rappelle RTL 2e, France Inter 1e, Énergie, France Info et les Skyrock en 3e, 4e et 5e position. France Info. Et tout est plus clair. D'accord. Je tenais tout de même à rajouter l'exceptionnelle performance de Philippe, qui a 1.2. Alors 1.2, on se dit c'est pas grand chose. Mais eux, ils n'ont que 5 audiences en France. Oui, ils n'ont que. Donc ramener à la globalité, par exemple, de ce que peut être France Inter, ils seraient même, je pense, largement devant NRJ et RTL. Et c'est très mérité pour eux. Et ça en envoie un coup à Sybille Veil. Pardon ? Et ça en envoie un coup à la patronne, à la présidente de Radio France qui veut supprimer les antennes locales de FIP. Et oui, et qui veut supprimer les flash infos aussi. Ah bon, c'est ridicule. Voilà, ça en envoie un coup. C'était le petit instant. Merci beaucoup, Matt. Bah, c'était très complet comme chronique. Ça peut s'appeler une chronique. Oui, c'est. Et attendez, je rappelle mes sources. Mes sources, j'ai oublié de mettre, alors qu'il faut, c'est important, c'est médiamétrie.fr pour les audiences, ainsi que La Lettre Pro. Donc c'est un site qui parle de la radio avec de très belles statistiques, hein, un très beau graphique. Voilà, oui. Merci beaucoup. Le prochain point des audiences, tu sais quand c'est dans 2 mois, je suppose, comme d'habitude. Dans trois mois, mais elle risque d'être fortement perturbée, vu que avec le confinement, ils ont arrêté de prendre des audiences, et c'est pour ça que aujourd'hui les audiences qui sont tombées là sont ne prennent pas en compte les changements de programme depuis le début du mois. Ça va pas jusqu'au bout du mois de mars. Dès qu'ils ont commencé le confinement, ils ont arrêté de. Et c'est dommage. Oui, ça aurait été intéressant. Parce que là, France Inter est toujours première radio de France et c'est France Info qui est deuxième radio de France en ce moment à l'heure actuelle. Et mais oui, mais j'espère qu'on aura les données, ça permettra de différencier, de peut-être voir quelle radio réussit à proposer des bons programmes rapidement dans des conditions un petit peu exceptionnelles. En tout cas, je crois que de la part de Médiamétrie. Et oui, RMC qui pendant ce confinement fait de très mauvaises audiences, alors que France Inter et RTL se maintiennent plutôt bien. Allez, eh bien merci beaucoup pour toutes ces audiences radio. Et si on se faisait une petite chanson dossier. Oui. Qu'y a-t-il, Antoine? Parce que vu que le quiz, on sait très bien qu'il va déborder. Oui. On le sait. Si on se faisait la petite chanson dossier, la première partie de la chanson dossier, et après on la met en entier. La première partie, pourquoi tu dis la première partie, elle dure pas longtemps? En gros, le premier couplet et le refrain. Ah, tu veux couper en deux la musique? Autant la mettre en entier, non? Eh ben, au pire, on la met en entier et on la remettra à la fin. Oh là là, ah, mais oui, mais du coup, moi, je suis pas prêt, hein. Quel programme? Vous savez, ça. Ouais, mais alors, en tout cas, eh ben, je vais combler en attendant. T'inquiète pas, Enzo, je vais combler. Parce que j'espère que vous qui nous écoutez, vous connaissez le Club Dorothée. Et quand je parle du Club Dorothée, ça va rappeler des souvenirs émus à certains, notamment Corbier, Jackie. Et là, on va plutôt parler des Musclés. Les Musclés, ils ont fait une chanson, vous devez le savoir. Un hymne au beau temps, un hymne au soleil, à la chipolata, au barbecue. À la merguez. Et si Enzo est prêt, on va pouvoir s'écouter ce titre d'une grande qualité. Alors, je suis prêt. Je suis juste un peu déçu. Tout à l'heure, je suis allé chercher un tournevis pour revisser mon micro. Bah, donc du coup, j'ai pas entendu la musique. J'aurais dû y aller là, maintenant. Me laisser non. Ça maintenant, en fait. Non, non. C'est vraiment prêt, normalement. Apprécie ce moment, maintenant. Très bien, eh bien, voici les Musclés avec leur merguez partie sur Radio Antigone. C'est la chanson relou du jour. C'est la merguez partie. Oh bah non. Ah bah, ça a coupé. Ah bah, non, mais c'est la fin de la musique en fait. Ah d'accord, ah oui, ça est. C'est abrupt. Alors j'ai dû prendre une version coupée, mais voilà. Brutal. Donc, c'est très musclé. Oui, Morgane. Avec merguez partie. Oui. Très bien. Tu veux nous parler de la merguez partie, Morgane? Une analyse sociologique. Si. Vas-y. On meurt d'envie, et nous aussi. D'accord, merci Morgane. La case du soir. Bon, eh bien, je crois que c'est l'heure du quiz. Bonjour, c'est le gars. Et qui veut gagner de l'argent en mars? Bonsoir, Odion. Bonsoir. B. Voilà, bienvenue dans le quiz de Radio Antigone. Le quiz de Radio Antigone, normalement là c'est la deuxième partie, mais ce n'est rien. Je rappelle le principe, une question à la fois. Vous avez trois propositions de réponse. Si vous donnez une bonne réponse, vous gagnez un point. Nous passons au suivant, etc., etc. Celui qui a le plus de points à la fin de la partie gagne. Il a gagné. C'est comme d'habitude. Aujourd'hui, je vous propose deux thèmes. Oui. Pourquoi on ne pourrait pas gagner 5 points aujourd'hui au lieu de 1? Un pancake. Ah, parce que ça en revient au même en fait. Si on gagne à chaque fois 5 points. Ouais, ouais, mais ça fait mieux. Eh ben, vous gagnez 5 points. Ça. Wow. Alors tu comptes parce que moi au bout de 5, je sais plus compter donc. Oh là. Ah, j'ai quoi? J'ai spécialité maths au lycée. Ouais, ouais. Bon, il faudra peut-être que je réfléchisse un peu à mon orientation. Alors je vous propose géologie et géographie ou le monde animal. Non plus. Eh ben tant pis pour le pancake. Géographie. Je suis géographie sur la géologie. Hein. Géographie, c'est ça, ça vous va? Oui. Alors, le temps que je prenne mes petites questions, voilà, échauffez-vous, qu'avez-vous à dire à vos concurrents? Bonne chance. Je veux gagner de l'argent en main. Carrez pas votre chien un double pile. Et est-ce que vous voulez faire le super moite-moite? Le super moite-moite? Alors, qui veut commencer? C'est moi, c'est parti. Moi? Allez, oh, Morgane, oui. C'est parti. Elle a été la première à dire. C'est parti. Ah, merde. On dit pas merde, on dit... crotte. Mercredi. Flûte, alors. Antigone, alors. Une question... Alors, je vous rappelle que j'utilise les cartes d'un des jeux C'est pas sorcier, et nous allons retrouver les trois présentateurs de C'est pas sorcier. Y a bah, dis donc, Jamy. Faut bien écouter, hein. C'est un peu compliqué. Sabine est à Calais, Fred est à Paris, et notre cher Jamy, qui propose d'ailleurs des petites capsules pour se divertir pendant notre période de confinement, ouais, rendez-vous sur ses réseaux sociaux. Jamy, lui, il est à Dijon, donc je répète, Sabine est à Calais, Fred est à Paris, et Jamy est à Dijon. Lequel des trois se trouve le plus au nord? Est-ce que c'est Sabine qui est à Calais? Est-ce que c'est Fred qui est à Paris? Ou est-ce que c'est Jamy qui est à Dijon? Bon, c'est assez simple quand même, hein. Sabine, clairement. Sabine. Calais? Sabine. Ah, Sabine, oui, ok, pardon. C'est ça, à chaque fois que tu disais la réponse, t'as coupé. Ah, c'est ça, Ben. Bravo, bonne réponse, bravo à toi, c'était assez simple. Et donc tu gagnes 5 points, puisqu'Antoine demande 5 points par bonne réponse. Donc 5 points pour C'est plus toi. Impressionnant. Et Antoine, tu étais le deuxième à répondre moi. Donc voici une nouvelle question. Ouais. Alors on retrouve Fred qui a rejoint Sabine. Il se promène dans les prés salés, mais ce sont des terrains qui sont comment? Est-ce que ce sont des terrains sur lesquels les agriculteurs répandent du sel? Est-ce qu'ils sont recouverts par la mer aux grandes marées? Ou est-ce qu'ils sont naturellement riches en sels minéraux? Mais ils sont où tes terrains? À Calais? Non, dans des prés salés. C'est la mer. Dans la baie du Mont-Saint-Michel. C'est pas précisé dans l'énoncé, mais... Ah, bah voilà ça. C'est pas précisé dans l'énoncé. Bah c'est la mer, c'est les grandes marées. Oh là là. Et non, ils sont naturellement riches en sels minéraux. Alors, pour m'excuser, je veux faire une blague. Oui. À Dijon, pourquoi il y a plein de célibataires à Dijon? Parce que l'amour tarde. Très bien. L'amour tarde à Dijon. Très bien, merci Antoine. Donc, de Dijon. Que je vous explique, on parle donc pas de la partie qui est recouverte par les marées, mais c'est les prés qui sont salés. En fait, ce sont tout simplement des étendues, la plus grande des prés de la baie du Mont-Saint-Michel. Et c'est là où vous pouvez voir beaucoup de moutons. Voilà. Donc Antoine, tu restes à 0 point. Matt, es-tu prêt pour ta première question? Ouais. Oula, tu viens de faire chauffer la table de mixage avec ton cri. Alors, tu as sans doute déjà remarqué que toutes les eaux minérales n'ont pas le même goût. Mais alors, c'est parce que les fabricants y ajoutent des arômes, Est-ce que c'est parce que ne contiennent pas les mêmes sels minéraux, pour rester dans le même sujet? Ou est-ce que c'est le plastique des bouteilles qui n'est jamais le même? Mais c'est parce qu'elles ne contiennent pas les mêmes sels minéraux. Mais bien sûr, Mike, et tu gagnes 5 points! Bravo! Merci à mon professeur de physique-chimie de première. Eh ben, c'est bien. Voilà comme quoi ça sert un peu quand même le lycée. Oui, je fais un petit récapitulatif des points, il est 19h28, on fait rapidement une question chacun avant un point sur l'actualité à 19h30, je sais plus, à moins qu'Antoine m'ait dit non, faut pas. Morgane, pardon, j'ai les trous, es-tu prête pour ta deuxième question? Oui, je suppose que c'est oui, ça a encore coupé. Et oui. Alors, au 19e siècle... Non mais là, États-Unis... Morgane est en train de fumer là. Au 19e siècle, aux États-Unis, c'est la ruée vers l'or. Les Américains en découvrent en Californie, en Oregon ou en Floride. C'est pas simple ça. Floride, c'est non. Et franchement, Californie et Oregon, c'est la grosse situation. On tient. Le deuxième ? C'est Oregon, oui. Ah là là, non, c'était en Californie. Tu as bien fait d'éliminer la Floride. Et c'était donc en Californie en 1848, près de la ville de Sacramento. C'est un charpentier, pour la petite anecdote. Oregon, voilà. C'est le piège. Et oui. Et la nouvelle a très rapidement fait le tour du monde, la nouvelle de ce charpentier qui trouve de l'or. Tu restes à 5 points. Matt est également à 5 points. Antoine, pour rattraper Matt et Morgane, voici ta question. Que font les géologues pour savoir si une roche contient du calcaire? Est-ce qu'ils la mettent dans l'eau pendant quelques heures? Est-ce qu'ils mettent une... Ils la mettent dans l'eau. De quoi? Ils la mettent dans l'eau. Tu ne veux pas les autres propositions de réponse? Non. D'accord, bah tu aurais dû, hein. Parce que c'était... c'était... Ils mettent une goutte d'acide chlorhydrique dessus. Voilà. Oh bah je suis une quiche. Non, mais non. Ne t'inquiète pas. Donc tu restes à 0 points. Matt, tu peux prendre l'avantage. Es-tu prêt? Ouais. Alors, sous quel type de climat te trouves-tu s'il fait chaud toute l'année et qu'il existe une saison sèche et une saison des pluies? Est-ce que c'est un climat équatorial, un climat aride chaud ou un climat tropical? Je dirais tropical parce que c'est celui qui... Allô? Matt? Allô? On t'entend, oui? Je crois qu'il a dit tropical. Je crois aussi. Ah bah je n'ai strictement rien entendu, mais c'est dommage parce que c'est une bonne réponse. Réponse, pardon. Alors sachez que le climat tropical est marqué à la fois par la sécheresse et par l'humidité. Le climat équatorial, lui, est toujours humide avec de fortes pluies. Et le climat aride chaud, bah, c'est l'inverse, hein. Il est caractéristique de désert avec des longues périodes jusqu'à 9 mois sans eau. La deuxième, Matt prend l'avantage avec 10 points. Morgane est à 5 points et Antoine est toujours à 0. La suite du quiz dans quelques instants, il est 19h31. Et le top horaire ne part pas. Radio Antigone. Radio Antigone. La radio à vif. Antoine, tu as une information de dernière minute. Oui, effectivement, Enzo, on vient de l'apprendre. 30 767 personnes à l'hôpital en ce moment pour la COVID-19. Un gain de 3 000 personnes en 24 heures. 7 066 personnes qui sont en réanimation. En réa, quoi. Demain matin, de nouveaux TGV médicalisés partiront de la gare d'Austerlitz. Dans les EHPAD, il y a 31 415 cas confirmés et 8044 décès. Pour un total de 12 210 décès depuis le début de l'épidémie, mon cher Enzo. Voilà pour l'actualité du soir. Merci beaucoup Antoine pour ce point très complet sur l'actualité qui reprenait les informations communiquées par Jérôme Salomon, le directeur général de la santé, qui s'est exprimé tout à l'heure aux alentours de 19h20. Voici la suite du quiz tout de suite. Je rappelle les points. Morgane a 5 points, Matt a 10 points et Antoine est toujours à 0. Morgane, es-tu prêt pour la troisième question? Oui, je suis prête. Pardon, j'avais coupé. Oui, je suis prête. Très bien. Alors, où sont mes cartes? Où ai-je posé mes cartes? Elles sont là. Je te propose de partir en Guyane. 973. Et on repart vers de l'or. Mais alors, pour extraire l'or du fleuve, on utilise un produit qui est très toxique. Est-ce que c'est le mercure, le zinc ou le plomb? Il me semble que c'est le mercure. Eh bien, tu sais quoi? C'est une bonne réponse. Effectivement, les employeurs, ils utilisent généralement alors, mais une partie de ce mercure est malheureusement rejetée dans la nature. Il est très toxique ce métal et se glisse dans l'alimentation des animaux et même des hommes. Bravo Morgane, tu gagnes donc 5 points et tu reviens à côté de Matt. Mais Matt a une question de retard. Antoine, il est temps de gagner des points. Ils sont les deux à 10 points. Hein, alors, au pire, vu que je suis le président de la radio, cette question que je gagne. Je gagne 45 points. Très bien, tu gagneras donc 5 points. Alors, la question suivante. Je vais pas prendre... Bon, allez, cette fois, tu es sûr de le gagner parce que le mot, je l'ai prononcé lors de l'émission. Dans les deux dernières minutes. Non. Oui, oui. Alors, lors d'un voyage, si tu rencontres un orpailleur, c'est qui? C'est un chercheur d'or? Un horticulteur égyptien? Ou, bien sûr, un riche marchand de paille? Orpailleur, je sais pas ce que ça veut dire ce mot. Bah, dans Orpailleur, il y a or. Donc, je dirais que c'est un gars qui cherche de l'or. Ouais, j'ai 45 points! Wouh! Tu viens de. 45 points! Bravo! Matt, est-ce que c'est la dernière question du jeu là, peut-être? Oui. On va peut-être s'arrêter après, parce que l'émission commence à durer. Vous êtes tous battus, j'ai 45 points. Très bien, donc là, c'est ma chance de gagner ce c'est ta chance de gagner, et si tu réponds mal, il y a la question ultime entre toi et Morgane. On rappelle que Morgane a répondu très rapidement lors de la dernière question ultime contre Antoine. Es-tu prêt, Matt? Donc là, il faut que je gagne. Je suis prêt. Alors, c'est l'hiver à Paris. Il est 20h. Si je passe un coup de téléphone à Antoine qui est en Nouvelle-Calédonie. Il bronze un peu, il avait envie de prendre un peu de vacances. Quelle heure indique la montre d'Antoine? Est-ce qu'elle indique 20h le même jour, 10h du matin le même jour ou 6h du matin le lendemain? Je suis à Paris et Antoine est en Nouvelle-Calédonie. Bah alors, pour le coup, heureusement qu'il y a des vidéos qui ont fait un fuseau horaire, sinon j'aurais bien été dans la mouise. Mais comme la Nouvelle-Calédonie, c'est au niveau... c'est au niveau de l'Australie et la Nouvelle-Zélande, du coup, c'est plus... plus 5h, plus 6h. Donc je dirais qu'il est 6h du matin, le lendemain. 6h du matin, le lendemain, la troisième proposition de réponse? Non. Oui. Non, chez moi, il est 19h30. Antoine, c'était une mise en situation. Mais là, ce n'est pas une mise en situation, c'est la réalité. Je vous annonce que Matt a la bonne réponse. Bravo, Matt. Oh, c'est honteux. Voilà, Antoine, tu es à plus de 18 000 km de moi. C'est pour ça que je t'entends mal actuellement. Cela correspond à 10 fuseaux horaires, soit tout simplement... Oui, tout à fait, Enzo. Nous sommes en Nouvelle-Calédonie où il fait très très beau. Vous écoutez Radio Antigone Nouvelle-Calédonie. Bien sûr. Avec des duplex. Le soleil à vif. Voilà. Eh bien, bravo à Matt qui gagne ce quiz. Bravo à Morgane qui n'a pas démérité. n'est qu'un point derrière, bah, 5 points. Et bravo peut-être aussi à Antoine, qui a quand même un point. Qui a presque réussi à avoir 45 points quand même. Non, mais j'ai eu 45 points. Vous savez quoi, de toute façon, on est là pour s'amuser, je vous donne tous 100 points. Allez, hop. Oh, mais c'est trop mignon. Ah, j'ai 145. C'est sympa, ça. Bon, en tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette émission. L'émission qui a duré quand même quelques minutes de plus, hein, au moins 8 minutes de plus. Votre case du soir revient demain dès 17h30 avec Matt. Oui. Matt, tu es là. Un petit mot pour tes potentiels auditeurs. Les fans. À partir de 17h30, après le flash, c'est la case musicale. En gros, pendant 30 minutes, je vous mets de la musique. Il y a vraiment plein de musique. Parfois, il y a du rap. Parfois, il y a des musiques qui sont plus dans la playlist. Des fois, pas du tout. Il y a des musiques de films, il y a du rap. Je vous répète, de la rock, du rock, de la pop. Bref, il y a plein de chansons partout. 17h30 sur Radio Antigone. Très bien. Merci, bravo. Matt. Plein de bonne musique, effectivement, dans la case musicale de 17h30 à 18h. Et à 18h, vous retrouverez le grand Antoine pour son grand journal. Mais oui, un journal de 30 minutes en direct, des reportages, des analyses du coin de la rue au bout du monde. C'est le radio journal, comme tous les soirs à 18h, vous avez l'habitude. Et par contre, j'aimerais bien qu'on fasse du coup la case du Nodal de 19h30 à 20h avec Morgan. Ce serait vachement bien. Ah, j'aurais pas quoi mettre dedans. Mais du côté du Nodal, ils font déjà un podcast. Eh ben, faut les ramener pour qu'ils fassent à la radio. qui est d'ailleurs un super podcast. Je l'ai écouté, il est très bien. J'ai réussi à renverser cette proposition en instant pub pour le Nodal. Hey, vous avez vu, je suis doué. Mais oui, c'est bien. Et n'hésitez évidemment pas à aller faire un tour sur le site, qui est vraiment une pépite, ce site. Faites-vous plaisir si vous êtes fan de médias audiovisuels. Et pas que. Parce qu'il y a également Bouboufèze. Il y a moi. Il y a Morgane. Il y a moi qui ne parle plus depuis des années. Si je retrouve mon mot de passe, il y aura moi aussi. Et puis, il y a évidemment la légende du parapet. La légende oui, du parapet. Oui, attention, Philippe, d'ailleurs. Oui. Aïe. S'il y a des Philippe qui nous écoutent, attention au parapet. Ah, c'est terrible. Très bien, eh bien... Ah là là. Oui, Antoine. Ah, c'est terrible. Oui, c'est... oui, il s'approche de la scène... Aïe, attention, Philippe, le parapet. Voilà. Ah, c'est terrible. Pour terminer... je vous donne, moi, quant à moi, rendez-vous de 18h30. J'essaie à chaque fois de retrouver les horaires. Je me mélange avec toutes ces horaires. Elle est tellement grande, cette émission. Tellement grande, tellement bien. Donc, de 18h30 à 19h30. Cette fois, sans problème technique, puisque je sais d'où venait le problème technique du début d'émission. Et donc, avec une case d'avant, bien sûr, qui sera un peu plus longue. On aura le temps de parler de tous les sujets demain. Je vous souhaite une très bonne soirée sur Radio Antigone. La musique continue. Et l'actualité avec la Merguez Party revient dans 20 minutes sur Radio Antigone. Merci à tous d'avoir été avec nous sur la Radio Abif. À demain. Radio Butter. Radio Butter.cr. Balancé de bord. Oui, bien sûr. Ah, c'est pas la Merguez Party, ça. Alors, en fait, j'allais relancer un top horaire, mais le top horaire de Radio Butter est juste en bas et j'ai pris le mauvais. Non, mais là, faut juste lancer la Merguez Party. Tu veux la Merguez Party? Bah oui. Eh ben, on se quitte sur ça. Ouais. Allez, sur Radio Antigone, la Merguez Party des musiques. Et ça, c'est bon. Ah, c'est beau. Deux Merguez Party en une heure, c'est merveilleux. En vacances. Non. T'as encore mis avec le parapet aussi. Non. C'est les filles qui ont commencé. je me permets, je m'excuserai si je perturbe un peu cette musique. J'ai voulu faire de remercier Mangan pour sa participation au quiz et ainsi qu'à la case d'avant. Merci. C'est pas une grande perte hein, de couper un peu cette musique. Merguez parti. C'est de la Bresse. C'est pas fini. Ah la vache. Le pire c'est que tu chantes avec un décalage. C'est encore pire. La vache. Mais c'est un canon. Non, non, non. On a dansé jusqu'au matin, on s'est bien amusé. Y'a même des filles qui nous ont embrassés. Il paraît même que la mémé est allée se coucher sous la tente du grand René. C'est la merguez. C'était beau. Radio Allez, Antigone. Rendez-vous demain dès 17h30 pour une prochaine case du soir sur Radio Antigone. Bonne soirée à tous. À demain. Radio Antigone. La radio à vif.